Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski tout à l'heure, là, c'était très simple. Ça s'intitulait « Une journée de travail ». Hey, t'as travaillé fort là-dessus? Ah oui. Puis merci à mon ami Charles Bukowski de me l'avoir trouvé. Oh, c'est un joyeux personnage. Comment? C'est un, oui, un joyeux personnage. Oui, allô? J'avais tellement raison. Merci, merci. On a toujours raison ici à Errance Rénaldienne. Ouais. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. S'il vous plaît, montez la nouveauté. Laisse monter la nouveauté. Laisse monter l'arsenic. Laisse monter au-dessus de la ceinture et sur la zizik. Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps, mais le trésor. Oh oui, monsieur. Ce nouvel atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Oui, oui, oui, nous disséquerons avec une personnalité morte aujourd'hui. Comment? Nous discuterons. Oh! Avec une personnalité morte. Une personnalité morte. Et moi, j'ai des corps morts. Ça fonctionne-tu? J'ai de la peau morte. Oh non, non, non, non, non. Une personnalité. Avez-vous une personnalité à travers votre peau? Non, mon mari m'a dit que j'en avais pas de personnalité. J'étais pas heureux. J'étais pas une bonne femme. J'étais pas une bonne mère. J'avais pas des bons enfants. J'avais pas un bon goût. J'avais pas les bons chiffres du bingo. Puis surtout, j'avais pas la bonne recette de sauce à spé ici. Oh! Et vous vous en êtes sorti? Jamais de la vie. Jamais de la vie, j'ai viré ragoût. Oh, vous faites? Je fais du ragoût. Du ragoût, ben, des petites boulettes avec de la chose brune, des petites pétacques, les bonnes petites pétacques dures, là. Mais pas trop dures parce qu'il faut que ce soit al dente. Oh, ça, c'est de la pâte. Oui, mais c'est les pétacques aussi, là, pas trop cuites. Sinon, ben, ça devient trop moelleux, crémeux, moelleux, granuleux, peureux, chaneux, beliseux, coule un peu dans la lidure. Oh, monsieur, c'est de la sauce, ça. C'est pas de la sauce, c'est du ragoût. Excusez-moi. Alors, nouveauté, nouveauté. Bon, on sort de ce corps. Oui, cet atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Oui, oui, oui. Nous disséquerons avec une personnalité. Nous discuterons avec une personnalité morte. Aujourd'hui, entrons en communication avec... Oh! C'est pas vrai? Dean! Martin! Oh, pas Dean Martin! Dean Martin qui a popularisé la chanson. Qui? Qui a popularisé quelle chanson? Attendez, là, c'est pas Stranger in the Night. Non, c'est Frank Sinatra. Ça, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Frank Sinatra, oui. Je vous le dis. Je vous le conjure. Dean Martin, c'est... c'est si bon. Oh, il l'a fait aussi, oui. C'est bon. De manger des jambons. En chantant cette chanson. Qui manque des langues. C'est bon. De chanter cette chanson. Avec des belles chansons. En entrant en communication. OK, on rentre en communication là maintenant. Avec Dean Martin. C'est simple. On met notre ceinture. Oh, ouais, moi, je suis pas capable, moi, là. Hey, pendant toute la période du mois de décembre, janvier, j'ai mangé. Criez, Catherine, arrête de me servir. Et j'ai crié, oh, j'ai l'assiette pleine. J'en ai redemandé. Sur cette plage, qu'elle cherchait à me faire... Arrêtez! Bouffer! Elle voulait vous faire bouffer la plage. Et j'ai mangé du sable. Du sable! Et puis, aïe aïe! Faut que je me retienne. OK. Dean Martin, alors on s'étale les mains. Où ça? Sur la table. OK. Alors les 12 mains, s'il vous plaît. Il y en a 13. Oh, enlève ton abribus, toi là, ton abribus. Enlève ça. Bon, j'ai dit 12 mains. 12 mains, OK. Et puis là, joignez-nous les nous, tout en nous, OK? Tout en nous, 1, 2, 3, nous. C'est quoi, donc? Je la vois, la chanson, là. On va la voir, le Dean Martin. Pas Frank, Dean. Frank, c'est la semaine prochaine. OK. Dean. Dean. Dean? Tu nous entends, Dean? Martin. Qui? Martin. Dean! Martin. Oh, tu es là, Dean! Dean! Martin. Oh! On veut t'entendre, mon Dean. Martin. Oh! Tu es là, Dean? Martin. OK. Nous sommes ici, ce soir, en ce mois de janvier, et nous voudrons. Oh, je perds mon franchise. Je franchirai, j'irai, je ne reviendrai. Dean? Martin. Oh oui, Dean. S'il vous plaît. Veux-tu nous dire un beau bonjour, mon Dean? Martin. Oh, hey! J'aimerais savoir, es-tu heureux en haut? Martin. Oh! Alors là, il faut traduire, là. Un Martin, c'est oui. Deux Martin, c'est non. OK, Martin? Martin. OK. Si ça va pas, tu dis deux fois? Martin. OK, tu dis deux fois, hein? OK. Il veut pas. Tu vas bien? Martin. OK. Dean? Frank? S'en est jamais remis de ta mort, tu sais? Martin. Mais aujourd'hui... Crois-tu qu'il est avec toi? Ben, en fait, tu le sais. Nous, on le sait pas. Il est avec toi. Martin. Oh. Faites-vous des spectacles? Martin. Est-ce qu'il y a un Las Vegas en haut? Martin. Oh, on va pouvoir chanter avec toi. On va pouvoir se réunir. Céline Dion n'est pas là, j'espère. Martin. Ouh, j'ai eu peur, moi, là. Hey, si elle est là, elle n'est pas encore morte, hein? Martin. OK. Elle est vivante? Dean? Céline est vivante? Même nous autres, on ne le sait pas. Non, réponds pas, on ne le sait pas. Personne ne le sait. On ne veut pas le savoir, puis c'est pas important. Hey, Dean. Hey, on cherche ta chanson depuis tantôt, là. Peux-tu nous amener des esprits communicants? Avez-vous un diapason en haut? OK. Alors, on aimerait... S'il vous plaît, avoir une bride. On ne sait plus c'est quelle. C'est pas Stranger in the Night, hein? Oui ou non? Si c'est oui, tu fais deux coups. Si c'est non, tu fais un coup? OK, c'est pas ça. Eh mon doux, c'est quoi donc? C'est pas Over the Rainbow, hein? Ah ouais, c'est ça. Parce qu'Over the Rainbow, c'est le magicien Buzz, hein? Ben oui, il connaît tout. C'est merveilleux. Hey, Dean, est-ce que... En haut, là. Rapproche-toi. Est-ce que c'est open bar? Martin. Oh, c'est... Est-ce qu'il y a bien de la femme? Martin. Oh, non. On peut-tu avoir du plaisir? Martin. Oh. Dean, peux-tu me réserver, s'il vous plaît, deux places? Est-ce qu'il y a des lidos? Martin. Oh, c'est ce que je préfère, des lidos. J'ai pas le mal de mer. Toi, Dean, as-tu le mal de mer? Ah, ben, hey, peux-tu venir, lorsque je partirai, moi, pour aller en haut, est-ce que tu pourrais m'accueillir à la place de l'autre insignifiant, là? Martin. Ah, je me ferais pas accueillir par n'importe qui, là, par Dean Martin et Serge Gainsbourg. C'est vrai, mon Dean? Martin. Ah. Hey, là, j'ai la zazelle qui frivote, là. Puis même si on n'est pas, parce qu'on n'a pas de communication avec la musicalité d'en haut, là, on n'a pas payé notre compte. Ça arrive. Dean, ça te dérange pas? Martin. Non. Avant de terminer, mon Dean, as-tu un message? Bon, je vais peut-être en amener un. Si tu veux, ben, tu peux donner ton appréciation. Tu attends toutes les femmes d'ici bas, toutes les femmes qui t'aimaient et qui t'aiment encore? Martin. Ah, mon Dieu. Tu vas t'en occuper. Chaque individu sera comme... Dean, aide-moi, mon Dean. Martin. Ah, mon Dieu. Je sais pas comment dire. T'es vraiment un être extraordinaire. Martin. Okay. I left my gal sad and lonely. Left her standing in the rain. I went down to the railroad. I caught myself a midnight train. I beat my way into Texas. Landed in a gambling town. I got myself into trouble. I shot a county sheriff down. Oh Lord, I shot a county sheriff down. They put the handcuffs on me, tied me with a ball and a chain. They took me to El Paso, they tied me with a ball and a chain. These prison bars all around me, no one to go my bail. My heart's sad and so lonely, 'cause I want to get out of this jail. Oh Lord, I want to get out of this jail. The jury read the verdict, murder in the first degree. The judge said, take this prisoner to the penitentiary. They put the handcuffs on me, tied me with a ball and chain. I've left my home forever, and I'll never see my gal again. Oh Lord, I'll never see my gal again. Dernière tournée que tu as eue, c'est avec Brigitte Fontaine. J'y suis toujours, là. Oui, mais la dernière, c'est-à-dire avant-hier, non, dimanche. Ah, la dernière concert, oui, c'est avec Brigitte Fontaine, c'est à Beauregard. Okay. C'était un festival qui a deux ans, qui est très très bien d'ailleurs. Il y avait Mika, il y avait Damien Seize, il y avait les Editors. Elle n'a fait que 50 minutes, 55 minutes, quoi. Une heure, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Une heure, et on a été. Ça a été un peu dommage, quoi, parce qu'on a, été coupé sur la fin du morceau, parce qu'en fait. L'artiste d'avance qui arrive, hein, c'est pas sa faute, hein. il y avait Damien Seize qui joue avant, qui a joué 5 minutes de plus, okay. Ce qui arrive à tout le monde. Et nous, donc, on a commencé avec 5 minutes de retard, mais on avait une heure de calé. Et nous, quand on a commencé, donc on a terminé à 20 alors qu'on devait terminer à 15, mais vu qu'on avait eu 5 minutes de retard, et on terminait à peine le morceau, on était en train de terminer les deux accords, que la musique de Mika est partie à fond la caisse et nous a couvert. Et mais c'est terminé. C'est terminé. Mais les gens ont pas. Ah bah, ils ont pas apprécié, je pense que ça va faire du bruit. Et la dernière pièce, c'était laquelle? C'était Conne. Oh, la meilleure, alors donc elle était prête à. Ah bah à oui, et puis surtout, c'est-à-dire qu'au moment où Brigitte salue son public pour dire au revoir, il y a la musique en face qui. Mais je veux bien un coca, s'il te plaît. Tu prends quelque chose? J'ai déjà pris une bière, mais je vais en reprendre une tout à l'heure. Pour avaler les mouches bleues marines, ou la quinine, ou la purée. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça passe, et en douceur. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Pour gober leur bobard dans les alcôves, la foi qui sauve. Ça suffit pas. Encore faut-il un estomac solide. Quand le cœur vide, on broie du noir. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Un jour t'apprendras à parler télétype. Les braves types se foutent en kaki. Crois-moi, il n'y a rien de plus indigeste que les baïonnettes et les pruneaux. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Hey, si vous savez, le grand succès de Dean Martin, écrivez-moi à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial.com. On le sait! OK, écrivez-moi. Hein. Après l'émission, je vais Je vais en être avisé par mon direct, ma directrice, qui me suit de très près. Oh, Pamela, Pamela. Qui agonisa. Un soir de tequila. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Oh, la gracieuse, la belle, la soumise. Non. Je suis un soumis. Oh! OK. Non, je vais dire aucun. Non, je dirai pas. C'est quoi la chanson, donc? On ne sait plus. Oh, mon Dieu. Je suis perdu. Le moment s'invite à nous. Le moment. Oui, s'invite à nous pour un élan rénaldien. Ça, c'est du morse. On sait très bien que le morse n'existe plus depuis très, très, très, très, très longtemps. 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 6 ans, 5 ans, 8 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 2 ans, 8 ans, 7 ans. Le moment, eh monsieur, ça fait combien d'années? C'est divisé par 3. Prenez l'accumulation de toutes les dividendes que nous avons élaborés en 20, 35, 42, 50 secondes. Ça fait des chiffres, ça, là. Divise ça par 3. Oh, mon Dieu, Seigneur. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons narratifs. On dirait que les airs s'enfilent. Ring après ring, je suis ring. Ring après ring, je m'ennuie. Ring après ring, ring, ring. Ring, ring, j'ai la guitare qui ring, ring. Comme mon ami. Comme mon ami. T'as pas d'amis. Comme mes amis. T'as pas d'amis. Oh, comme pas les amis. Comme pas les amis. Les moments, le moment, les moments, le moment, le bobo, le bébé, le bébé, le pépère Noël, c'est un Québécois. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien qui, voyons donc, qui se cherche à travers une consonance de l'esprit. Il nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane. Alors, on demanderait à Ariane d'amener ce fil. Je l'amène avec Ariane. Avec qui? Ariane. OK, Ariane. Arrête, Ariane. Ariane, arrête. Arrête, mon Ariane. Arrête, mon Ariane. La femme chat. Artakit, artakit. Les damnés naissent-ils ainsi? Sincèrement que non. Comment? Les données naissent un jour, hein? Sincèrement que non. OK. Comment? Non, nécessairement non. On ne sait pas, on cherche les données. Que sont les données sans Visconti? Oh! Belle question fondamentale de la vie. Visconti est-il dans l'improvisation? Oui, maintenant! Eh, mais quel film extraordinaire! Quel film qui nous a cherché, qui nous a rongé l'intérieur. Ce qui me plaît là-dedans, là, c'est une vérité racontée et extrapolée à travers la surface écranique pour un jour nous la divulguer autrement. C'est ça le cinéma. C'est un réalisateur qui conçoit l'image dans sa tête et qui la restitue sur la surface écranique. C'est ça le cinéma. Ouais. C'est quoi qui te répugne? Restitue ici, toi! Mais moi, je reste là quand je peux, moi. Mais Germaine m'a dit pas longtemps parce que ça me contamine. Ça te contamine. Ça me contamine les babines. Les mots m'arrivent plus. Oh! Il t'arrive où? Il m'arrive plus. Oh! Il te coupe. Il me coupe de la réalité, de la rénalité. C'est pas très bon. Non, ça me... Ça n'a jamais été très bon. Puis même, j'ai dit à ma Georgette. Oh, t'as une Georgette aussi? J'ai une Georgette. Qui? Qui plane. Oh, Georgette Plana! Georgette Plana. Je lui ai dit, les données, naissent-ils ainsi? Elle m'a dit, c'est ainsi. Oh, c'est Georgette, ça? Oui. C'est ainsi. Oui. C'est Gilbert. Que les hommes vivent. Et les données ainsi les suivent. Dans un chemin qui se perd à travers les mers et les frontières de l'univers. Et voici que j'arrive à travers la rive et m'accroche à la rive pour ne pas arriver devant les damnés qui naissent Ainsi de la suite, c'est la suite logique vers la scatologie. Oh non, arrête là! Pas de scatologie ici. On a dit qu'on secouait la scatologie pour ne pas l'inviter à des moments inopinés qui pourraient faire réfléchir un peuple qui ne doit pas le faire puisqu'il voterait pour la bonne chose au Québec. Oh non, c'est qui, c'est quoi? C'est non, c'est nous! Allez, voter pour CKRL, c'est voter pour des ailes dans la tête, des ailes dans l'esprit, des ailes dans le dos et des ailes dans les mots. C'est s'envoler vers la direction que le citoyen veut bien s'offrir. Sans ça, ça sent bon, hein? Ça sent la fleur de macadam, la macadam, madame, s'offre au printemps, se cache en hiver, se regarde au printemps, mais ne veut pas voir l'automne, puisqu'elle perd ses pétales. Oh, ses pétales qui deviennent comme des animaux. Ça t'allait dire animal. Je ne suis pas un tribal. Oh! Me voilà entouré de moineaux. Moi, les moineaux ne veulent pas me conquérir puisque je suis un con quérant. Ah ouais! Quérant qu'il est l'heure. We'll be right back. que c'est ça, elle a fait. Elle entamait Conne quand le rideau. Ben, il n'y a pas de rideau, mais lorsque. Voilà, ça s'est terminé. Exactement. Donc, c'est un peu. Il y avait quand même une grande frustration dans l'air de tout le monde. Mais bon, ça a été un très bon show. Et puis, surtout, Brigitte, en festival, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait des grands festivals en plein air. Parce qu'elle, elle fait plutôt quand même. Elle fait des grandes salles, mais elle fait plutôt des salles fermées, quoi. Oh, elle fait rarement d'extérieur. Et là, c'était. Bah, écoute, ça, c'était. Les gens ont été sidérés de voir cette punk sur scène. Oui, effectivement, une punk de soi. Avec un très bon groupe sur scène. Avec, Avec, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à la musique avant tout? Est-ce que c'est tes parents qui jouaient dans l'instrument? Non, pas du tout, justement. C'est ça qui est. Je suis complètement autodidacte au départ. Mais par contre, c'était une évidence depuis toujours. Okay, c'est-à-dire, je suis né, j'écoutais. J'avais une sœur plus âgée, qui avait 7 ans de plus que moi. Donc, ce qui fait que dès que j'étais tout petit, dès l'âge de 5-6 ans, j'entendais tous les singles des années 70, toutes les choses comme ça. Donc, dès tout petit, j'étais fasciné par ça et je voulais faire de la musique. Well. De la nouveauté, Hébergeon à partir. Oh, allô? Oui, Hébergeon, Dean? Sorry. Bien, c'est ton tour. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Dean Martin, Dean, Dean, Dean, vas-y. Les gens me diront, ouais, mais c'est un son qu'on a de la difficulté à saisir, ça vaut pas, c'est pas radiophonique. Hey, ça vient du ciel. C'est normal que ce soit capté comme vous l'avez entendu, là, hein? Demandez pas le confort, là. Ça vient d'en haut. C'est le son d'en haut. Vos oreilles vont s'habituer, vous êtes en bas, c'est pour ça, là. La haute définition, c'est en bas. L'émotion, c'est en haut. Puis dans le milieu, il y a comme un mouvement entre tout ça qui nous amène quelque chose d'assez houleux. Houleux, houleux, houleux, rouleux. Pas de rouleux, rouleux, houleux. Lâche le rouleux, toi. Si je roule, si tu roules, je te mets dehors. Mais je roule quoi? Mais roule rien, on veut rien rouler ici. C'est de la houle. Oh, vas-y mon Raoul, houle! Alors, Dean Martin, merci de nous avoir enregistré au ciel Strange the Night. On le savait que c'était ça. On voulait juste vous faire languir. Tu le savais pas, c'est vrai. Là, il m'a envoyé un beep surnaturel de l'interzone que vous pouvez pas connaître parce que vous avez l'interzone. Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais ça comme Dean Martin. Après, avant. Avant quoi? Avant un spectacle. Après quoi? Après la vie. Oh! En haut, en haut. Alors là, il a demandé à tous ses musiciens de se regrouper rapidement. Tous ses musiciens morts. Puis là, ils ont dit, on va faire une chanson pour le monde d'en bas. Puis là, ça sonne comme ça, là, en haut, là. Là, vous avez dit, ouais, mais c'est de la chenoute, c'est rien, c'est de la conserve. Ouais, mais quand vous allez voir vos écouteurs d'en haut, là, vous allez entendre ça biphonique, restructuré d'une manière surnaturelle. Vous aimez ça, surnaturel? Ce qui est pas naturel, là, hein? Madame Tremblay, oh, moi, j'adore ça. Moi, ma carte du ciel, lâche la carte du ciel, toi, là. Non, mais, le 23, le décembre 2012, là, les maillots, ouais, lâche les maillets aussi, toi. Hey, garde, ça c'est la réalité, là, de la nouveauté. Hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Merci, Dean Martin. C'était Stranger in the Night. Ah non! C'était quoi? C'était Everybody to the Sunshine. OK. Hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de 7e art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sur l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, incrustons sur la surface incranique le film Itinéraire d'un enfant gâté, un film qui m'a amené. Ah, que de l'intimité à un moment donné de mon existence lorsque j'avais... 20 années de moi, pour que je te dise je t'aime, que je te mène par la main, pour t'amener à Saint-Germain, couler un bon café crème. Allez, fillette, ne me regarde pas, regarde nos vies qui nous séparent entre toi et moi. C'est de la merde. Eh oui, non, c'est du café crème. Oh, ah bon, je tourne la passe, c'est de la merde, ok. À quoi bois jouer la comédie, d'où l'élément qui rajeunit, semblant d'ivoire. Ivoire dans le noir, de la café crème. Ah, donnions-nous l'air, j'entends déjà les commentaires, elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire, lui au printemps, elle en hiver. C'était un bon moment. Itinéraire d'un enfant gâté, on arrête là-dessus, on vous envoie l'extrait sonore, puis on enchaîne après. OK, on y va comme ça? Oui. Chut. On écoute. Vas-y, écoute. S'il te parle d'association, c'est gagné. Tu dis plus rien, tu le fixes. Tu lui fais le regard d'Eliot Ness lorsqu'El Capone tenta de l'acheter. Et t'attends qu'il baisse la tête. Peut-être qu'il la relèvera comme un boxeur sonné. Et là, tu le fixes de plus belle. Et tu me le mets KO. Je te le mets KO si je veux te le mettre KO, mon mec, là. Hein? Mais je sens bien ce que tu me dis. Et je crois bien que je vais le faire. Parce que je crois qu'on nous joue tous ici dans cette société un jeu que je n'aime pas. Le jeu de l'hypocrisie. Tu connais l'hypocrisie? Ça se joue ainsi. Tu fais semblant de ne pas savoir, tu rencontres l'autre et tu te sens naturellement responsable de ton état neutre. Mais la neutralité ne se voit pas. Elle se voit et elle ne peut pas se définir autrement. Pourquoi elle ne peut pas se définir autrement? OK, pourquoi? Mais parce qu'elle est authentique. Oh, moi j'en ai de l'authentique, moi là. Raymond, en as-tu amené de l'authentique? Ah, oh, j'en ai plus, j'ai tout bu ça hier, là, tu sais, j'avais des problèmes d'estomac. Ben oui, mais l'authentique se boit à la gorgée. Ben moi, je vois ça à la pinte. Oh mon doux Seigneur. Une autre insigne, ma belle adorée. Oui, je te vois givrer. Je suis givré comme un talon d'argile. Oui. Espèce fragile, tu m'appartiens pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? T'as tout bu ça? Au moins, conserve ton urine. Oh, bon, doux, ça va virer en jus de pomme. Le jus de pomme, le jus d'oranger. Les orangers sont en pomme. Oh, mon doux. Puis-je tomber dans les oranges? Non, on tombe dans les pommes. Oh! Pff. Alors, comment faire pour me soustraire? Fais l'hypocrite comme tout le monde. Dis, ah, bonjour, ça va bien quand tu veux dire, mon espèce de con, je te claquerai bien la gueule, hein? OK. Et puis quand tu dis, bonjour, ça va bien, ça veut dire, mon épouvantable moineau, nous sommes dans un décorum où je ne peux pas te dire que tu es un imbécile heureux, que tu es un moins que rien et que tu devrais t'éliminer toi-même. Mais reste dans ton ignorance et je serai heureux de te voir évoluer ainsi avec un rictus au coin de la bouche. Mieux vaut avoir le rictus au coin de la bouche que le rictus au coin de la langue. La langue, je me l'alanguis régulièrement. Oh! Et là, c'est maintenant le temps de la tourner. Pas la langue. Cette fois, non. Une fois. Dans la bouche de la finalité. Alors, je remercie tout le monde, que vous, public, merci de m'avoir écouté. Comme je le dis depuis tout à l'heure, vous pouvez devenir membre de... gratuitement. Quand c'est gratuit, c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Facebook, Errance Rénaldienne, entrée Errance Rénaldienne. Facebook, vous allez voir les rampes. Cliquez là-dessus. Merci. On va vous envoyer des beaux petits courriels. Et ça, c'est de l'acharnement. Thérapeutique. Oh, thérapeute toi-même. Oui. Alors donc, vous pouvez aussi m'écrire. On connaît ton courriel. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC @commercialhotmail.com. Et puis, on se laisse avec bien de babouin. Et saviez-vous que les ours blancs, il y en a de moins en moins. Oh mon Dieu. Ils sont obligés de copuler avec des grizzlies. Le pire, c'est que c'est pas une blague. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il manque d'ours polaires. Alors, un ours polaire avec un grizzly, qu'est-ce que ça va faire? Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité autour de la froideur du Nord. Le Nord perd le Nord. Oui. Il perd le Nord pour atteindre le Sud. Et le Sud, ce n'est pourtant pas si bien. Oh, alors merci, c'était Reynald Gagné. Tu m'as mené en bateau, oui. Moi j'ai marché, j'ai trop aimé, j'ai trop pleuré, j'ai plus envie de me marrer. J'ai abusé et j'ai rusé, mais je me suis laissé griser. Tu m'as laissé sur le pavé, je risque pas de l'oublier. Et j'attends le moment où tu retourneras au néant. Mais moi j'ai cru toutes tes promesses quand tu me donnais tes caresses. Tu m'embrassais comme une princesse avant que tu ne disparaisses. Baby Louis, on est passé, on est passé juste à côté. On s'est battu et j'ai rendu tous les coups que j'ai reçus. On s'est perdu, on s'est tordu, depuis je cherche le salut. J'étais vaincu, j'ai survécu, le temps ne s'est pas suspendu. Je ne suis pas brisé. C'était français. À ce moment-là, je me posais pas la question. Okay. Je voulais simplement tout ce que je savais, c'est que je voulais jouer de guitare. Non, mais qu'est-ce que tu écoutais comme musique, la musique anglo-saxonne? Ah oui, essentiellement. Les Beatles avant tout? Non, pas les Beatles. Non, moi j'écoutais au départ. J'ai écouté énormément quand j'ai en fait. Quand j'avais 6 ans, tout ça, c'était à ce moment-là, on était en plein dans le... C'était le glam rock à ce moment-là. Oui, oui, oui. Donc j'étais à fond dans T-Rex, Bowie, toute cette chose-là. Un peu psychédélique aussi. Oui, aussi, mais en fait, donc mes premières émotions, c'est-à-dire que quand j'avais 6 ans, 7 ans, c'était ce qu'écoutait ma grande sœur, donc c'était ce qui passait à la radio, c'était Slade, c'était tout le glam anglais, c'est-à-dire okay. Slade, Mark Bolan, T-Rex, Bowie, toute cette scène-là, Alice Cooper, tout ça. Et à partir de là, bon bah moi j'ai commencé à avoir culture très tôt, comme tous ces gens-là citaient un peu leurs références, c'était étonnamment le rock'n'roll des précurseurs et tout ça, donc je me suis mis très tôt à écouter à ce moment-là tout le revival d'Eddie Cochran, Chuck Berry, Gene Vincent, tous ces gens-là. Et puis de là après, bah, j'ai suivi tout ce qu'il y a eu de l'évolution, c'est-à-dire de, tu vois, jusqu'à après, bah, il y a eu, j'ai écouté toute l'évolution, le punk, tout ce qui a suivi, et j'ai toujours été à fond dans tout ce qui s'est passé. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir très tôt une bonne connaissance musicale, une bonne culture musicale, quoi. All right. bitches. Then give me some of this. Shake it, dicks, shake it, dicks. Shake it, dicks, shake it, dicks. Okay, how about you girls? You women? You ladies, are you with peaches? All right then, let's try this. Are you ready? Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits. Boys like the lips swinging in their face. Lying back and staking their own space. We're gonna kick it now and take your place. Come on and give us a taste. I'm not the only one with body to kill. I like to see just how you swing that thrill. Come on, baby, baby, use that thing. You make my panties go pink. Shake it, dicks, shake it, dicks. Shake it, dicks, shake it, dicks. Shake it, dicks, shake it, dicks. I know you all play bottom and top. I know you all like to hot box. Girls, you ready to flip it again? Keep it still so that it never ends. Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits, shake it, tits, shake it, tits, shake it. Shake it, dicks, shake it, tits. Shake it, dicks, shake it, tits. Shake it, dicks, shake it, tits. Shake it, dicks, shake it, tits, shake it, tits, shake it, tits. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. For the fatherfuckers, all the fatherfuckers ready for the motherfuckers, all the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. Girls and boys, they want it all. Lay back and make the call. You make that flip, yeah, really quick. And keep it so slow, it's sick. You gotta shake your dicks and your tits. I'll be me and you be you. Shake your dicks and shake your tits. And let me be you too. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits. Shake your dicks, shake your tits, shake your dicks, shake your tits. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. All the fatherfuckers ready for the motherfuckers. All the motherfuckers ready for the fatherfuckers. No.